consomme. C'est ça ma vie. Écoute ma chérie, éternel et satisfait. Je reste au studio toute la nuit. Je rentre, tu sors. On se dit même plus un mot. J'étais au studio toute la nuit. C'est quoi ton blême, bro? Je regarde les photos. On dirait que c'était hier. Je fais un télécontrôle. Shooter la barrière. Je regarde les photos. On dirait que c'était hier. Je fais un télécontrôle. Shooter la barrière. Je ne t'aime plus, mon amour. Je crois que je l'ai croisé l'autre jour. Des fois, je vais pour lui dire. Après, je sais pas, ça sort pas. Mettre à l'envers et confiance en Dieu et garde un œil sur ton petit frère. Ma mère m'a dit.